Salut, c'est Game Killer, c'est mon pseudo. Et moi, ce que t'aimes avant tout, c'est avant tout jouer à des jeux comme Dofus, Counter-Strike. Je joue, je sais pas, 12 heures par jour. No life.